1069 Mauricie. Que la Mauricie se lève. Voici Marc-André Pelletier. 6h32, c'est moins 6 degrés centre-ville Trois-Rivières et c'est le moment où Mathieu peut s'exprimer en toute liberté. Oh oui. L'espace, frontière de l'inconnu. C'est là que va croiser le vaisseau spatial Enterprise. Mission, exploration de mondes nouveaux, étranges, pendant 5 ans. Recherche de nouvelles formes de vie, de nouvelles civilisations, dans un univers où jusque-là, personne ne s'est aventuré. Ah, ah, ah, ah. Pourquoi est-ce qu'on parle Star Trek? Pourquoi est-ce qu'on entend Star Trek en ce moment? La patrouille du cosmos. Jadis en 66. Hey, si cette intro-là date de 73, mais dans ces coins-là. Même si, en fait, ça a rapport par la bande, parce qu'aujourd'hui, dans ma chronique, on parle de science, de médecine, mais aussi de héros par la bande. Okay. Et on parle de Star Trek Nouvelle Génération. Vous auriez pas reconnu le thème de Nouvelle Génération, je pense. Ben avec Jean-Luc Picard et toute cette gang-là, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ben, c'est pas mal le Star Trek de ton adolescence, ben, non? Exactement. Voilà. Exactement. Donc, on parle de plaies et on parle de guérir une blessure avec un rayon laser, et c'est possible, et c'est un petit peu une idée qui ressemble à du Star Trek. Plutôt que d'utiliser un fil pour recoudre une plaie, il existe maintenant des colles à base de biopolymères qui se solidifient par laser, une technologie qui pourrait rendre de gros services en dermatologie et en chirurgie. J'ai déjà peur, on dirait que ça te coupe un bras à place. Et pour faire le parallèle avec Star Trek une Nouvelle Génération, c'est le commandant Riker qui était gravement griffé à la tête par Spot, qui est la chatte du lieutenant-commandant Data. OK, Spot, pas Spock. Non, pas Spot. Pas le gros oreille, là, mais le chat de l'autre. Sur l'Enterprise. Okay. Heureusement, il dispose d'un régénérateur dermique, une sorte de pistolet laser qui répare instantanément les blessures. Et bien, bientôt, ça pourrait devenir une réalité. C'est des chercheurs de l'Arizona State University qui ont mis au point une méthode pour réparer les plaies avec un nanomatériau à base de fibroïne et d'or activé au laser. Aujourd'hui, la plupart des blessures modérément profondes sont fermées grâce à des points de suture ou à des agrafes qui occasionnent des marques sur la peau et ralentissent la régénération du tissu. Il existe également des sortes de colles biocompatibles à base de nanopolymères, comme celle de la compagnie française Gecko Biomedical. Mais les colles biologiques manquent encore d'adhérence en milieu humide. On s'entend que la peau, c'est pas mal humide des fois. Et c'est lent à se solidifier, tandis que les colles synthétiques présentent un risque toxique pour les tissus vasculaires et nerveux. D'où l'idée, donc, d'utiliser un laser pour accélérer le processus et favoriser la pénétration du produit dans le tissu. Jusqu'à présent, ce procédé-là souffrait pourtant d'un problème majeur, c'est qu'en deçà de 600 nanomètres, la lumière ne pénètre pas à plus d'un millimètre dans l'épiderme. Quant à l'infrarouge, qui, lui, pénètre jusqu'à 5 millimètres, il n'est pas suffisamment énergétique pour être efficace. On doit donc augmenter la puissance du laser, ce qui pourrait brûler la peau. Donc, juste pour être clair, parce que c'est un peu technique, ça se pourrait que le laser... Ben écoute, c'est un peu l'évidence même d'un sens là. Mais soit c'est pas assez loin pour pouvoir soigner, soit c'est trop loin puis ça brûle. C'est exactement ça. Tu te ramasses comme un petit poulet. Fait que là, faut que tu sois précis en tabarnouche entre les deux. Quand on parle de nanomètres, là, c'est incroyablement précis. Nanomètres, c'est... c'est plus petit qu'un millimètre. Ben oui, mais c'est ça. C'est minuscule. C'est fou. Ouais, ben c'est dur à représenter parce qu'il n'y a rien d'aussi minuscule. Non, ben écoute, prenez une feuille de papier. L'épaisseur d'une feuille de papier, ça doit être à peu près ça. Ouais, c'est sûrement moins. Bref, pour remédier à ces obstacles, les chercheurs ont eu l'idée d'ajouter des nanoparticules d'or à la fibroïne, une protéine de soie purifiée à partir de cocons de verre à soie et traitée au méthanol pour la rendre insoluble. Lorsque l'or est frappé par la lumière laser durant environ 4 à 6 minutes, il concentre la chaleur et forme ainsi une liaison entre la fibroïne et les protéines de collagène de la peau, formant ainsi une suture solide. Grâce à ce procédé, on peut ainsi utiliser des fréquences de 800 nanomètres et un temps d'exposition réduit sans aucun dommage à la peau. Il va donc être possible de réparer des vaisseaux sanguins et des nerfs, souvent situés à des endroits inaccessibles par la suture et qui prennent beaucoup de temps à se réparer. Une étude qui est parue dans Advanced Functional Materials. C'est quand même spécial, cette histoire-là, parce que j'ai déjà regardé beaucoup de documentaires, ben beaucoup, trois, là, on va se comprendre. Oui. Beaucoup plus que la moyenne, probablement, là-dessus. Mais sur la nanotechnologie et, dans le fond, cette science qui fait en sorte qu'on vous implanterait des espèces de robots à l'intérieur du corps, des tout petits robots qui iraient réparer vos tissus et tout ça. Je le fais de même, là. Peut-être qu'un expert en science me dira, c'est pas tout à fait ça. Ouais, on vulgarise, on explique en termes compréhensibles. Exactement. Et je trouve trouve ça quand même fascinant, tu sais, la science, puis n'a pas ses limites en quelque part, parce que, tu sais, tu te rappelleras, et même, tu sais, on pensait à Star Trek, il y a une couple d'années, on se disait, ben, écoute, les voitures volantes qui se construisent tout seules, ça n'existera pas, puis Big Brother, c'est de la fake news, justement, et tout ça, puis tu sais, on est presque rendu là, puis dans certains cas, on y est déjà rendu, alors cet élément-là, il va falloir moyen... j'allais dire un moyen pilote d'un sens pour arrimer ça puis arriver directement sur le bobo et toucher à rien autour. Puis ça va revenir un peu, je pense, à l'espèce de dilemme que t'as quand tu veux le faire opérer pour les yeux au laser. Est-ce que tu veux vraiment le faire? Est-ce que la personne est experte? Est-ce qu'il va vraiment le faire comme il faut? C'est ça, tu sais. Puis bon, je suis tanné de vivre comme ça. Est-ce que je prends la chance qu'une fois sur deux, c'est moyen? Donc ça va être soit vraiment mieux ou soit écorché. Ben c'est ça. Et peut-être que les cobayes au début vont peut-être pas avoir la meilleure... technique. Ouais, je prendrais des bonnes assurances aussi. J'attendrais peut-être un petit peu. Les chercheurs ont testé leur procédé sur des souris et un intestin de porc. Il s'est avéré 7 fois plus efficace que les points de suture pour empêcher le liquide de s'échapper. La suture est 40% plus élastique, ce qui est idéal pour des organes extensibles comme l'estomac ou les poumons. On continue, on a parlé de Star Trek un petit peu, on va passer à Harry Potter. Qu'est-ce qui se passe avec Harry Potter? Ben, ça a toujours juste un lien tangentiel avec le sujet. Les photos animées comme dans Harry Potter deviennent réalité. Tu te rappelles une photo qui bouge? Les cadres, entre autres, les photos dans les journaux et tout ça. Ça pourrait s'en venir dans la vraie vie. Mais comment tu veux faire ça? Ben oui, c'est un algorithme mis au point par des scientifiques de l'Université de Washington qui permet d'animer en trois dimensions un personnage d'une photo et le faire sortir du cadre. Pareil comme dans Harry Potter. Donc, avec d'autres chercheurs, Chung-Yi Wang, un doctorant de l'Université de Washington, est parvenu à rendre cet effet possible en mettant au point un puissant algorithme. Dans leur publication, ils décrivent comment ils parviennent à extraire le sujet principal d'une photo en le modélisant pour ensuite le faire bouger de façon réaliste sans pour autant laisser une zone de découpe noire à son emplacement initial sur la photo. Tu as peut-être déjà vu des photos en 3D sur Facebook. Ouais. Celle où quand tu bouges, tu vois vraiment comme la face du chien. Ouais, mais quand tu regardes derrière, on voit que son arrière-plan, c'est juste un flou. C'est un petit peu bizarre parce qu'on ne peut pas deviner qu'est-ce qu'il y avait en arrière. T'sais? Sinon, il faudrait prendre une photo spécial, sans l'animal, une photo avec l'animal si on voulait faire ça. Mais ouais. Exemple. Mais pas là, évident. Ça se fait juste... Ben, ça se fait pas dans un journal ou dans un... Ben, c'est ça, pas pour l'instant. Peut-être un jour. Donc, les chercheurs ont montré plusieurs exemples, notamment le basketteur Stephen Curry, évoluant de façon naturelle hors de sa photo comme s'il avait été filmé. Bon, ils ont fait ça avec des œuvres de Picasso, entre autres. C'était développé par Microsoft et l'Institut Max Planck. Ça s'appelle SMPL. Et au final, l'algorithme mis au point par les chercheurs a été baptisé Photo Wake Up. C'est une technique qui est pas tout à fait nouvelle, mais qu'on a améliorée un petit peu. Jusqu'aux techniques développée par le doctorant, les scientifiques butaient toujours sur l'élément qui rend difficile la manipulation, c'est-à-dire estimer la pose en trois dimensions que prend le personnage sur la photo en 2D. C'est difficile pour un ordinateur de l'analyser. Tout ça, c'est automatisé. Il est possible d'ajuster manuellement l'orientation des différents membres du squelette par rapport au corps pour corriger d'éventuelles erreurs d'animation dans le modèle 3D. Là, ça devient comme tantôt un petit peu technique. Le procédé associé au principe de réalité augmentée pourrait bien changer la façon dont on interagit avec les photos. Donc, ce serait probablement plus sur Internet, sur un téléphone, sur une tablette, sur un ordinateur que dans un journal, mais peut-être un jour. Pense aux gens qui se prennent en selfie. Comment ils vont aimer ça? C'est ça. Les gens qui aiment se voir puis s'auto-portraitiser. Ouais, pour les trouver fendants en 3D. Hein? mais de toute façon, c'est ça. Là, on cherchait une façon de rendre ça papier ou journal. De toute façon, c'est pas ça le futur. Je pense pas que mettre des photos sur un papier va être la prochaine étape. Je pense que la prochaine étape, ça va être que ce qu'on tient dans les mains pour lire, mettons, ça va être de plus en plus mince, de plus en plus flexible, roulable ou peu importe. Donc, ce sera pas nécessairement du papier. Donc, ça va devenir des écrans. Donc, aussi bien avoir des écrans avec des choses qui peuvent bouger dessus. Ben, rendu là. Rendu là. Hein? Et voilà. Est-ce qu'on a le temps pour un dernier sujet? Ben, vas-y donc. Ben on va parler de drogue. En fait, là, on peut faire un parallèle avec pas mal n'importe quelle émission, genre Breaking Bad, je sais pas. C'est quoi l'autre là, qui a de la drogue plein dedans? Narcos, exactement. Donc, dans un modèle de souris, les chercheurs ont identifié un circuit cérébral lié à la consommation compulsive de drogue. Ces travaux suggèrent aussi que les expériences personnelles, plus que la génétique, expliquent que certains sombrent plus facilement dans l'addiction. Triste, ça, l'addiction, évidemment. Moi, c'est quelque chose que je comprends jamais. Il faut savoir parler comme il faut, puis bien prononcer les mots, ça, tu veux dire? L'addiction. Ah, c'est l'addiction, excellent. La dépendance. C'est excellent. Bravo, je te félicite. L'addiction, l'apostrophe, addiction. Contrairement à Marie-Chantal, qui n'a pas de trait d'union, là, on a une apostrophe. Oui, Marie-Chantal Chassé, oui. Chassé, oui, pas massé. L'addiction aux drogues passe souvent par plusieurs phases. Après la première exposition à la substance addictive, l'individu consomme de manière maîtrisée sa drogue, mais ensuite, il peut perdre le contrôle et glisse vers une consommation compulsive. Tous les consommateurs n'atteignent pas nécessairement ce niveau d'addiction. Mais des chercheurs de l'Université de Genève ont voulu savoir quelle était la différence au niveau du cerveau entre quelqu'un qui se drogue de manière compulsive et un utilisateur plus raisonné. Et pour ça, ben, ils ont mis au point un modèle de dépendance chez la souris, pauvre petite souris. Ah. Les animaux pouvaient stimuler leur système de récompense dans le cerveau simplement en appuyant sur un levier. En effet, la sensation de plaisir associée aux drogues est liée à l'activation du système de récompense dans lequel agit le neurotransmetteur, la dopamine. Pour savoir quelle souris faisait un usage compulsif et incontrôlé de cette drogue, les chercheurs ont puni les souris qui actionnaient le levier avec une petite décharge électrique. On a tous déjà vu ça? Oui, ben dans tous les bons films de science avec un savant fou. Exactement, un épisode des Simpsons aussi. Ouais. 60% des souris ont continué à appuyer quand même sur le levier. Tandis que les autres, comprenant la leçon, ont arrêté leur consommation. Les gens qui sont plus terre-à-terre, comme moi, je pense. Ces résultats apparaissent dans Nature. Les chercheurs ont alors observé que dans le cerveau des animaux accros à leur drogue, un circuit était activé. Il allait d'une zone impliquée dans la prise de décision qu'on appelle le cortex orbitofrontal au ganglion de la base du système de récompense. Lorsque les chercheurs ont accru l'activité de ce circuit chez les souris qui contrôlaient leur consommation de drogue, celles-ci sont devenues addictes. Inversement, quand l'activité de ce circuit était réduite chez les animaux accros à la drogue, ils arrêtaient d'actionner le levier de manière compulsive. Toutes les souris étaient génétiquement identiques, ce qui laisse penser que des modifications épigénétiques liées à leurs expériences de vie expliqueraient que certaines deviennent plus facilement accros que les autres. Tabarnouche. D'ailleurs, c'est tout un mandat quand même. Les petites souris. Avec un, juste un petit choc. C'est pas mortel au moins. Il y en a des pires que ça. Il y en a qui se font pousser une oreille sur le dos. Puis... Ouais, mais tu sais, c'est pas mortel, mais t'es rend dépendant. Ben c'est ça. Tu dis ça le même, là, mais... Tu crées un monstre. Il va être au coin de la rue en train de réclamer de l'argent pour un café bientôt. Oui, ça va. C'est souris-là. Triste, ça. Pauvre souris. 6h43. Ouais. On va s'arrêter. Ouais. Retour de la pause. Suffisamment d'informations. Ça va aller, on est assez intelligent de même. Ouais, c'est ça. Tu sais, faudrait quand même pas exagérer là, dans se renseigner. Qui fait ça, se renseigner en 2019? C'est de la radio, c'est tellement 2018, se renseigner. Voyons donc. Dans quelques instants, on vous présente donc une entrevue avec Maxime Blouin, le responsable des communications et marketing de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. On va revenir sur le dossier Maxime Comtois.